بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le vendredi le 10 du mois d'Allah al-Muharram de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant au 28 juillet 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série sur l'athéisme. Donc, on a vu dans ce qui a précédé quelques-unes des lacunes de la théorie de Darwin, et que cette théorie ne permet pas de donner des réponses à énormément de questions existentielles, des questions que tout homme doué de bon sens se pose. Par contre, la religion de l'islam a répondu à toutes ces questions existentielles que l'être humain se pose. D'où on vient et pourquoi on est là dans ce monde et quelle est notre finalité? Où allons-nous? Ça, c'est des questions, si tu les poses à un athée, il ne saura pas te donner de réponse convaincante, encore moins des réponses scientifiques et expérimentales. Mais il y a tellement de travail médiatique qui a été fait au sujet de l'athéisme, au point où beaucoup de personnes pensent que l'athéisme est quelque chose qui est en adéquation et en parfaite adéquation avec la raison humaine saine. Et ça, c'est bien évidemment une grande supercherie, une grande tromperie de l'esprit humain. Et ça, nous allons le voir petit à petit. J'ai vu des frères qui se sont posé la question, si on utilise l'argument cosmologique, que chaque chose créée a forcément un créateur. Quelle est la preuve de l'existence d'Allah, c'est que toi qui en face qui me pose cette question, toi tu as une preuve selon la loi de la causalité, cette loi qui est absolue pour toute chose qui a été créée. Donc ça, on va y arriver petit à petit, inshallah, quand des athées, quand ils sont convaincus par cette loi, parce que les grands athées, les grands philosophes, les grands scientifiques athées, ils refusent d'admettre la loi de la causalité. Et ça, c'est quelque chose peut-être que beaucoup de gens ignorent. Les plus grands scientifiques qui adhèrent à l'athéisme, ils savent qu'ils ne peuvent pas reconnaître la loi de la causalité. Et c'est pour ça que j'ai dit dès le départ que l'athée est en contradiction avec tout ce qui l'entoure, à commencer par sa propre personne, par sa raison, par sa rationalité, par sa nature saine, sa nature humaine saine, ses intuitions. Ce qu'il voit, ce qu'il touche, il est en contradiction avec tout. C'est pour ça que les communautés dans lesquelles se trouve le plus de suicides, ce sont les athées. Ils arrivent en désespoir, ils arrivent à rien, ils sont dominés par Shaitan et ils finissent dans le suicide. Et beaucoup d'entre eux, parmi les plus connus, notamment Nietzsche, le grand philosophe allemand Friedrich Nietzsche, il a fini dans un état catastrophique. Il a été touché par la folie vers la fin de sa vie, par une pneumonie aiguë, une paralysie totale. Il n'arrivait plus à parler, il a perdu la voix. Et beaucoup d'entre eux mettent fin à leur vie et se suicident. Car leur existence n'a aucun sens. Sa vie n'a pas de sens. Il est là comme une bactérie, comme un mur, comme n'importe quelle autre matière. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de répondre à toutes ces questions selon Allah, un ordre qu'on va suivre dans cette série, Inch'Allah ta'ala. Toujours concernant cette théorie de Darwin, j'ai pas fini l'idée, c'est que en islam, il y a réponse à toutes ces questions. Dans le sens du verset, Allah nous dit « Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé ? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » Allah dit dans le sens « Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé ? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. » Donc si on te pose la question « D'où viens-tu ?» Tu dis « Allah m'a créé. » « Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé ?» Et si on te pose la deuxième question « Où vas-tu ? Quel est ton objectif ?» Tu dis « J'irai vers Allah pour être jugé pour mes actes. » Allah a dit dans le sens « Et c'est vers lui que vous serez ramenés. » C'est vers votre Créateur que vous serez tous ramenés afin d'être jugés selon ce que vous avez œuvré dans ce bas monde. Et pourquoi es-tu venu dans ce monde ? La réponse, pour adorer Allah et être éprouvé. Donc, regardez comment en un seul verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne réponse à toutes ces questions. C'est pour ça l'islam, c'est la religion de la nature humaine saine. Celui qui apprend à connaître l'islam, il saura que c'est la religion de la nature humaine saine. Et comme j'ai dit, c'est la seule religion aujourd'hui qui appelle au monothéisme. C'est la seule religion qui appelle au monothéisme. La seule religion qui n'a pas été falsifiée. Et un argument rationnel, parmi les arguments rationnels qui prouvent l'existence d'Allah, regardez encore une fois en un seul verset. Allah, il nous dit dans le sens ont-ils été créés à partir de rien ? Où sont-ils, eux, les créateurs ? Allahu Akbar. C'est très fort. Si vous méditez, vous allez réaliser la force de ce verset et la force de cet argument rationnel, car en réalité, il n'y a que trois possibilités. La première, qu'on a été créé sans créateur, et ceci, bien évidemment, est impossible. Comment le n'ayant, yani comment du n'ayant il peut venir quelque chose? Ça, c'est impossible. La raison humaine ne peut jamais admettre cela. La seconde hypothèse, c'est que nous nous sommes créés nous-mêmes. Et ça aussi, c'est impossible. Car comment me créer moi-même avant d'être créé ? Si la première est impossible, celle-là encore plus impossible que la première. Donc il ne reste qu'une seule possibilité. Et cette possibilité, regardez l'éloquence du Coran. Allah dit, ont-ils été créés à partir de rien ? Créés du néant ? Où sont-ils, eux, les créateurs? Ils se sont créés eux-mêmes? Donc la troisième possibilité, elle n'est pas mentionnée, ça, ça fait partie de l'éloquence du Coran, pour te montrer que c'est une évidence. C'est une évidence, il n'y a pas besoin de la mentionner. Tu la connais de par ta nature humaine saine, de par ce que Allah a placé en toi, cette prédisposition selon laquelle tu as été créé. Donc, c'est que tu as un créateur, forcément. Et tous, nous savons d'une manière innée que la nature, pour ceux qui disent la nature qui a créé, la nature n'a pas le pouvoir de créer. Et d'ailleurs, quand quelqu'un te dit « c'est la nature qui a fait, c'est la nature qui a créé », pose-lui la question, dis-lui « qu'est-ce que tu veux dire par la nature ? Est-ce que la nature, c'est une entité consciente ? Tu parles des arbres, des végétations, des animaux. C'est ça la nature ? Tu me parles de quoi quand tu me parles de la nature ? Qui a fait, qui a créé ? Qui a fait, qui a créé, lui donner une volonté, une conscience ? Ça, c'est une entité réelle, existante, pas abstraite. Donc, quand il te dit la nature qui a fait, demande-lui de quelle nature tu parles. Est-ce que tu parles de la nature que nous, on comprend, yani, ces arbres et toutes ces végétations, ces plantes, ces animaux, tout ça, c'est ça la nature qui a fait ? Ou tu parles de quelque chose qui est abstrait ? Et si cette nature, elle est abstraite, elle n'est pas consciente, c'est pas une entité consciente, comment elle peut faire? Comment elle peut avoir des volontés? Si cette nature, elle n'est pas intelligente, elle réfléchit pas, elle n'a pas de science, comment elle peut faire tout ce qu'on voit autour de nous? Tout ce monde structuré à la perfection, ça c'est le fruit de la nature. Et après, va chercher ce que c'est la nature. Pour comprendre une chose, que ces gens-là utilisent le plus souvent des termes pour leurrer l'interlocuteur. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu ce dénommé Richard Dawkins interrogé par des personnes de la masse. Des gens qui ne sont pas des scientifiques, mais qui se posent des questions perspicaces, des questions qui méritent d'être posées à ces athées. Et comment ils esquivent la réponse quand ils sont bloqués, quand ils n'ont pas de réponse? Je l'ai vu, le plus souvent, ils se moquent de la personne. Ils lui disent, ça se voit que vous n'êtes pas une scientifique, que vous connaissez pas la physique. Alors que lui, le premier, il est ignorant de la physique, il n'a pas étudié la physique. Mais, pour faire croire que cette croyance à laquelle ils sont arrivés, ça demande une intelligence particulière. Et c'est la croyance des scientifiques. Et plus tard, on va s'arrêter sur quelques noms, sur les noms des scientifiques, d'où tous les scientifiques influents dans l'histoire de la science et qui sont des croyants. Et eux, ils ont tendance à faire croire aux gens que les scientifiques, ce sont des athées. L'athéisme est un phénomène marginal, minoritaire. Et c'est pas la base chez l'homme. La base chez l'homme, c'est la foi en son créateur. Et l'athéisme a été propagé pour plusieurs raisons, notamment ce matérialisme dans lequel sont tombées la plupart des sociétés. Et ça, c'est en adéquation avec le matérialisme auquel appelle l'athéisme. Il faut savoir que les athées ne croient pas en l'existence de l'âme. car c'est pas quelque chose qu'ils touchent ou qu'ils peuvent tester. Il y a pas d'âme, il y a que le corps. Il y a que le corps, c'est pour ça l'athée, il n'a pas de sens, il n'a pas d'objectif, il n'a pas de finalité, il est là pour une simple et bonne raison, c'est pour mourir. Et c'est pour ça, il essaie de profiter au maximum de cette vie. Et il ne sait pas que le seul moyen de profiter réellement de cette vie, c'est de se conformer à la révélation de son Créateur. Et c'est le seul moyen pour se conformer, être en accord et en harmonie avec ses instincts, avec ses intuitions, avec sa nature humaine saine, sa raison, et ainsi de suite. Donc, cette théorie, la théorie, on revient toujours à la théorie de Darwin, elle a commencé par ce que Darwin lui-même a énoncé, et ensuite, elle s'est transformée, après avoir découvert des lacunes dans cette théorie, ils ont appelé à un néo-darwinisme. Un néo-darwinisme. Et aujourd'hui, ils appellent à une autre voie, une troisième voie, ce qu'ils appellent la théorie synthétique. La théorie synthétique. Donc, ils ont essayé de regrouper toutes les autres théories scientifiques contemporaines et faire en sorte que ce soit en accord avec la théorie de Darwin. Donc, dans cette théorie de Darwin, le poisson qui est devenu un éléphant ou l'éléphant qui est devenu un poisson, et c'est ça l'évolution de laquelle ils parlent, eux, dans la théorie. Comme je vous ai dit, ne soyez pas leurrés. Quand il vous parle de l'évolution, il vous cite l'exemple de la bactérie ou le virus qui arrive à s'adapter. D'accord, ça c'est pas un phénomène que nous on rejette. L'évolution dans le cadre de la même espèce, ça c'est un phénomène qui est visible, observable et qu'on connaît tous. Mais c'est pas de celui-là que nous on veut, sur lequel on veut des preuves. Celui-là on le connaît déjà, l'homme, il passe d'un enfant vers un adulte. La phase adulte, il est dans le ventre de sa mère, fœtus, après il sort, et après il grandit jusqu'à devenir une personne âgée. Cette évolution, on la connaît. Aussi, les bactéries ou les virus, ils arrivent à s'adapter à leur environnement. Mais on n'a jamais vu un virus qui est devenu un éléphant. Ou une bactérie qui est devenue, je sais pas, un tigre. C'est ça, sur ça qu'on veut des preuves. Et forcément, s'il y a eu une évolution de cette manière-là, forcément, il y a eu des étapes intermédiaires. Car c'est pas possible qu'on passe, comme ils disent, du coq à l'âne, c'est pas possible qu'on passe en un coup, comme ça. Forcément, il y a eu des étapes. Il y a eu des expériences ratées, avant d'aboutir à l'expérience réussie qui va rester. Donc avant que, par exemple, avant que l'oiseau devienne un oiseau, il faut qu'il développe une aile. Et après, il développe la deuxième. Et celui qui a développé qu'une aile, par mutation aléatoire, hasardeuse, il va pas continuer à exister. Parce qu'il est faible, il n'est pas apte, il n'a pas la capacité de continuer à survivre. Donc il va disparaître. Jusqu'à ce qu'on ait l'oiseau qui va développer les deux ailes, comme nous le voyons aujourd'hui. Donc forcément, si celui-là, il est mort, il doit y avoir des fossiles qui le prouvent. Et ça, c'est quelque chose que Darwin lui-même a dit. Il a dit, si ma théorie est valide, on doit trouver énormément de fossiles d'étapes intermédiaires. Et on n'a jamais trouvé un seul. et on trouvera aucun. Mais c'est là où les athées sont forts. Ils avancent des théories basées sur l'imagination et ils disent, avec le temps, on va le prouver. On va le prouver avec le temps. Ça, c'est une base corrompue et erronée. Normalement, tu dois présenter les preuves et après avoir la foi. C'est pas avoir la foi en une chose et après chercher à la prouver et à la démontrer. Aussi quand yani, ils disent que le poisson, comme je vous ai dit, cette théorie, elle n'arrive à expliquer que très peu de phénomènes. Yani, je dis, c'est pas forcément une bonne explication, mais au minimum, il y a une explication. Mais ils se taisent sur la plupart des phénomènes. Donc, prenez un exemple. Quand on est passé du poisson à un oiseau, par exemple. Ou là, avant de passer à l'oiseau, ils disent, le poisson, il est sorti sur la terre. Et ensuite, il y a eu l'étape où il a développé les ailes pour s'envoler. D'accord. Donc, le poisson, il est sorti de l'eau. Nous savons tous que pour sortir vers la terre sèche, il faut des poumons adaptés. Quand est-ce que le poisson a développé ses poumons? Dans l'eau, il va mourir étouffé. Une fois sorti sur la terre, il va mourir avant de les développer. Comment ça s'est fait? Ça, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Aussi, ils nous parlent de mutations aléatoires. Et ça, c'est surtout dans le néo-darwinisme. Comme je vous ai dit, l'ancien darwinisme, il est oublié. Avec la théorie de Mendel sur la génétique, sa théorie ne pouvait plus continuer à exister. Donc, il nous parle de mutations aléatoires. Ce que nous savons, c'est que 99% des mutations sont nuisibles. Et quand on parle de mutation, en général, on parle de déformation. On parle de déformation. Mais eux, ils parlent de mutations qui vont améliorer l'espèce. Et ça, c'est un phénomène extrêmement rare. Comme les scientifiques le disent, 99% des mutations sont nuisibles et donnent lieu à des déformations et à des défaillances dans l'espèce. Aussi, Darwin lui-même, en se basant sur la ressemblance qu'il y a entre les différentes espèces, il a pensé que elles ont un ancêtre commun. Un ancêtre commun dû à cette ressemblance. Et il pensait, lui et Lamarck avant lui, il pensait que ce que l'homme arrive à acquérir comme description, ça peut se transformer. Si toi tu fais de la muscu et tu développes des muscles, il pensait que ça pouvait se transmettre à ta descendance. Et ça, avec Mendel, ça a été prouvé que c'est faux. Il n'y a que les caractéristiques qui se trouvent dans notre ADN qui peuvent se transmettre et non pas les attributs qu'on puisse acquérir. Dans l'arbre que Darwin a dessiné, l'arbre de l'évolution, on a trouvé qu'il y avait des espèces ou des créatures ou des animaux qui étaient proches de l'homme dans son ADN. dans son code génétique. Et pourtant, ils étaient loin dans l'arbre. Celui qui est proche de lui, c'est le singe, selon Darwin. C'est le singe. Mais comme vous savez, la souris, elle a une ressemblance à l'homme dans son code génétique de 99%. Pourquoi il n'a pas mis la souris à côté de l'homme? Et la pomme de terre, elle a 50% de ressemblance avec l'homme aussi. Mais pour nous, cette ressemblance est due au fait que le Créateur est le même. Et aussi, la nourriture est la même. Darwin, il dit que le début de la création, pour expliquer le début de la vie, il explique qu'il y a eu une cellule primitive, ce qu'ils appellent LUCA. LUCA en anglais, The Last Universal Common Ancestor. Le dernier ancêtre commun à toutes les cellules vivantes. C'est-à-dire qu'il y a eu cette petite cellule primitive. Selon lui, elle était primitive. Et c'est cette cellule qui est le début de la vie sur Terre. Mais d'où vient cette cellule? Là, c'est un point que la théorie n'aborde même pas. La théorie, elle part d'une hypothèse qu'il y a eu une cellule primitive qui est à l'origine de toutes les formes de vie qu'on voit sur Terre aujourd'hui. Et après, cette cellule n'a cessé de se répliquer et de s'auto-répliquer d'une manière aléatoire. Et après des millions d'années, elle a pu yani, se développer et elle n'a cessé de se répliquer jusqu'à ce qu'elle a donné lieu à tous les animaux que nous voyons aujourd'hui sur Terre, jusqu'à arriver au poisson. Et le poisson, il a essayé de sortir vers la Terre et la suite de l'histoire. Comme je vous ai dit, Darwin, il dit, si ma théorie est valide, on devrait trouver un nombre indéfini de fossiles avec les étapes intermédiaires. Et on n'a pas trouvé un seul. C'est pour ça qu'ils sont passés au néo-darwinisme, comme quoi il y a eu des mutations. Il y a eu des mutations. Et la théorie, quand on a découvert l'ADN, ça, c'est quelque chose qui rend caduque leur théorie, encore une fois. Et ce qui est constaté, c'est que les athées, à chaque fois qu'il y a une nouvelle théorie ou vérité scientifique, ils vont essayer d'adapter leur théorie à cette nouvelle vérité. C'est-à-dire qu'ils ne sont sûrs de rien et qu'ils se basent uniquement sur leur imagination. Et ça, c'est des choses qu'ils ont dit clairement. Ils se basent uniquement sur leur imagination. En parlant justement de la nature de, comme il dit un d'entre eux, la nature de notre mère cellulaire, supérieure à tous, yani en parlant de LUCA, il dit la nature de notre mère cellulaire supérieure à tous continuera de constituer un champ fécond pour l'imagination et l'esprit de synthèse des biologistes du futur. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à rien et ils vont encore s'imaginer encore d'autres histoires. L'essentiel, c'est de ne pas croire en un créateur unique qui a tout créé. Parmi les points, il s'appuie sur les membres atrophiés qu'on puisse trouver chez l'être humain. Les membres atrophiés, c'est-à-dire des membres qu'on trouve chez l'homme ou chez d'autres créatures et qui n'ont pas un grand intérêt. Ils disent ça, c'est les restes de l'évolution. parmi les exemples qu'ils citent, le coccyx. Ils disent que le coccyx, c'est un reste de l'évolution. Car l'homme était un, comme le singe, il avait une queue, et après il a évolué, et la queue est tombée, il restait ce petit morceau, le coccyx. Alors que le coccyx, il n'est pas apparent, comme la queue. Et eux, ils se basent sur quoi pour avancer des choses comme ça? Ils se basent sur le fait que ce coccyx n'a aucun intérêt dans le corps de l'être humain. Il y a une règle très importante dans le domaine scientifique, c'est que tu saches que ton ignorance n'est pas une science. Le fait de ne pas savoir l'intérêt du coccyx ne veut pas dire qu'il n'a pas d'intérêt. Le fait d'être ignorant, c'est pas une science. Mais eux, souvent pour eux, la science, c'est leur ignorance. Ils ne connaissent pas d'intérêt pour le coccyx, donc ça c'est un reste de l'évolution du moment que ça permet d'appuyer ce que eux ils veulent démontrer. Et aujourd'hui, il est avéré que le coccyx a des fonctions importantes dans le corps de l'être humain et qu'il n'y a rien dans le corps de l'homme qui n'a pas d'intérêt. Aussi, il se base sur l'appendice. L'appendice, ils disent que c'est un reste de l'évolution et que ça n'a pas d'intérêt dans le corps de l'homme. Aujourd'hui, il est prouvé que l'appendice représente une partie importante et indispensable dans le système immunitaire de l'homme. Et c'est pas un membre qui n'a pas d'intérêt. Et les exemples sont nombreux. Également, la théorie de Darwin, elle ne permet pas d'expliquer le monde des insectes. Le monde des insectes. D'où viennent les insectes? Et il faut savoir que les insectes représentent 80% des créatures sur cette planète. Elle ne permet pas d'expliquer le monde des rongeurs. Comment ils se sont apparus? Ni le monde des oiseaux. Comment cet animal qui marchait sur terre a commencé à voler un jour? Et ça représente plus de 90% des créatures qu'on a sur notre terre. Que cette théorie reste mue face à ces choses-là. Également, la théorie, elle ne permet pas d'expliquer les instincts. Les instincts que chacun d'entre nous possède. Ces instincts, comme une forme, il y en a qui expriment ça de cette manière, ils disent comme une programmation de l'être humain. Ce qui te permet de croire en des vérités absolues, notamment la loi de la causalité. Tu prends un enfant, un bébé, tu lui donnes un coup par derrière, il se tourne pour chercher qui l'a frappé. D'où il a appris que chaque chose qui a été, chaque cause ou la les kulli hadithin sabab, chaque cause qui arrive a chaque chose qui arrive a une cause. Chaque chose qui arrive a une cause. Comment il a compris ce principe qui est ancré en lui? Et comment on a su que l'ensemble d'une chose est supérieur à une partie de cette chose-là? Ça, c'est des lois qui sont ancrées en nous et que personne aujourd'hui ne peut démontrer. Personne ne peut démontrer pourquoi que l'ensemble est supérieur à la partie. Ou que 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est ce qu'on appelle badahiyat, qui ne sont pas prouvées. Mais tous, on sait que c'est des vérités. Bedahiyat, c'est des axiomes. Ça, c'est des axiomes pour l'homme. C'est qui a donné ça à l'homme? Et c'est ça la prédisposition de l'homme à chercher la vérité et à accepter la vérité et à la reconnaître comme telle. Donc, et en ce qui concerne ces instincts, Darwin dit, il dit que la multitude des instincts est quelque chose qui remet en cause ma théorie. La multitude des instincts chez l'homme ou chez les animaux également, l'instinct maternel, yani ce bébé dès sa naissance, c'est qui lui a appris d'aller lécher le sein de sa mère pour avoir du lait, d'aller téter, afwan, téter le sein de sa mère pour avoir du lait. Ça, c'est des choses instinctives chez l'homme. Allah l'a créé et il a placé en lui ces outils qui lui permettent de survivre et d'arriver à la vérité. Notamment cette loi de la causalité, sur laquelle nous allons revenir, bi'idnillah, si Allah nous le permet. Pourquoi Darwin, il dit que la multitude d'instincts chez l'homme et aussi chez les animaux remet en cause sa théorie, parce qu'il sait que les instincts n'évoluent pas. C'est pas quelque chose qui est le fruit de l'évolution. Et aussi les envies sexuelles. Comment expliquer ça selon la théorie de Darwin? C'est inimaginable. Donc tout ça, c'est des points qui remettent en cause la théorie de Darwin. On va terminer par ce qu'ils appellent LUCA, la cellule primitive, l'ancêtre de toutes les formes de vie qui existent sur Terre. Darwin, il la voyait comme une cellule primitive, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les microscopes qui permettaient de voir tout le monde qu'il y a à l'intérieur d'une seule cellule. La cellule, comme ils disent aujourd'hui, la cellule est une usine entière. Elle est petite de taille, na'am. Elle n'est pas visible à l'œil nu, na'am, oui. Mais c'est extrêmement complexe. Le corps de l'être humain comporte entre 60 et 100 trillions de cellules. Entre 60 et 100 milliards de cellules. Vous imaginez 100 milliards de cellules dans le corps d'un seul homme. Et chaque cellule est composée de 10 milliards de protéines. 10 milliards de protéines. Le noyau à lui seul, le noyau de la cellule. À l'intérieur de chaque cellule, il y a un noyau. Le noyau à lui seul, il comporte des chromosomes. Et la longueur de l'ADN qu'il y a dans une seule cellule, si on le met ADN à côté de l'autre, on obtiendra un fil de 2 mètres. Et vous imaginez 2 mètres d'ADN dans une cellule aussi petite et ils ne vont jamais s'entremêler. Et l'ADN dans la longueur de l'ADN dans le corps d'un homme est équivalent à la distance entre la Terre et le Soleil. Entre la Terre et le Soleil. Ça, c'est la longueur de l'ADN dans le corps d'un seul homme. Il faut savoir que l'ADN, dans une seule cellule de l'homme, contient 3 milliards d'informations. 3 milliards d'informations. un seul ADN. L'ADN dans une seule cellule, il comporte 3 milliards d'informations. Comment tout ça peut être le fruit du hasard? Comment tout ça peut être le fruit d'une mutation aléatoire? Un parmi les scientifiques dit la possibilité ou la probabilité ou la probabilité qu'un avion, lui il a cité le Boeing, laquelle on peut dire aussi l'Airbus, qu'un Airbus soit conçu suite à une tempête est plus plausible qu'un protéine soit créé par hasard. Un seul protéine. Je vous ai dit, il y a 10 milliards de protéines dans une seule cellule. Lui, il dit, on peut fabriquer un Airbus. Un Airbus, il peut être fabriqué tout seul dans une tempête. Ça, c'est plus plausible que un protéine soit fabriqué par hasard, issu de l'hasard et de la mutation aléatoire. Et il a cité des chiffres de probabilité qui le démontrent. Car il faut savoir que ce protéine dans la cellule est composé de 5 atomes. Il est composé, chaque protéine, il y en a 10 milliards dans une cellule. Chaque protéine est composée de 5 atomes. L'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le carbone et le soufre. Et avec des portions différentes. Et selon une structure bien définie. Donc, tout ça, rien que ce qui a été cité, prouve que l'homme n'est pas issu d'une mutation aléatoire. L'homme a été créé. L'homme a un créateur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, on va revenir dans les cours suivants. Nous allons revenir sur les contradictions et quelques questions importantes. Inch'Allah ta'ala, nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une protéine. Barakallahu fikum. Jazakallahu khaira. J'ai douté.